Vous écoutez France Culture. Premier temps d'une semaine de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'année 1973. C'était il y a 40 ans, avant que le terme de crise économique ne soit popularisé, avant l'augmentation du prix du pétrole, avant l'explosion du chômage de masse. Que disait-on dans ces mois qui précédèrent la naissance d'une rhétorique de crise dont on ne devait désormais jamais sortir? Quelle vision avait-on du monde et de l'économie quand, malgré les avertissements du Club de Rome et la croissance de l'écologie politique, eh bien, la question des ressources et de leur rareté n'était pas posée avec l'acuité qui est celle d'aujourd'hui. Donc demain, le documentaire évoquera, un documentaire signé Anaïs Quin et Françoise Camard, le cas du Havre. Comment le Havre, grand port pétrolier, a-t-il vécu justement cette crise de 1973? Mercredi, notre émission d'archives tournera autour de la guerre du Kippour. Et jeudi, le débat historiographique se posera la question de cette crise de 1973, de ses conséquences et du discours qu'on a tenu ensuite à propos de cette crise de 1973. Et aujourd'hui, eh bien, notre grand témoin est Bernard Ezonschitz. Il est historien et critique de cinéma. Il était à l'époque donc un de ceux qui tournaient dans ce milieu de la cinéphilie du début des années 70. Il a participé en particulier au tournage d'un film qui fut fort célèbre en 1973, « La maman et la putain ». Il nous parlera de ses productions cinématographiques de 1973 et peut-être de leur liberté de ton, comme pour « La grande bouffe » de Marco Ferreri, le scandale du Festival de Cannes 1973. Bernard Ezonschitz, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous pour cette émission qui va ouvrir notre série de 4 émissions de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'année 1973 et à ses perturbations, la façon dont elle a marqué l'histoire en matière politique, politique nationale, politique internationale, politique économique. Mais nous avons choisi de commencer avec vous, vous êtes critique de cinéma, historien du cinéma, de commencer avec vous à propos de ce cinéma des années 70 et en particulier de cette année 1973. Car quand on se retourne sur ces années-là, on a l'impression, peut-être se trompe-t-on, on va en discuter avec vous, d'une certaine liberté de ton particulière, d'une façon de faire du cinéma qui ne correspond peut-être pas à celle que l'on connaît aujourd'hui. On vous voit apparaître, on en parlera peut-être un peu plus tard, dans le film « La maman et la putain » de Jean Eustache. Qui étiez-vous? Que faisiez-vous dans cette année 1973, Bernard Ezonschitz? Je travaillais à Unicité, qui était la boîte de production, distribution, diffusion du Parti communiste. Et je m'occupais donc de la diffusion, de la distribution, qui a commencé un peu plus tard, ou qui a dû commencer vers cette année-là, avec des films comme Pyrosmani, un film géorgien, et qui a continué après, mais c'était évidemment après 1973, avec des films sur le Chili. Donc diffusion militante, c'était dans le cinéma militant qui s'était développé depuis 68. Donc la liberté n'était pas seulement une liberté de mœurs, même si les choses allaient ensemble. Il y avait aussi quelque chose d'une aspiration révolutionnaire. Et d'autre part, je faisais, comme j'ai fait toute ma vie, des sous-titres. Je travaillais comme traducteur avec Pierre Cottrel, qui était producteur, et qui était entre autres producteur de La maman et la putain. Alors, vous dites Unicité, c'était un moment de cinéma militant. On sait que dans cette année-là, il y avait aussi du cinéma gauchiste qui se développait, en particulier autour de personnages comme Chris Marker, qui faisait beaucoup de choses. Et ce n'est pas le moment où il produit le plus. Il produira, à partir de ce qu'il tourne à ce moment-là, un grand film comme Le fond de l'air est rouge à la fin des années 70. Vous avez bien connu ce moment-là aussi et ce type de cinéma. Quel était-il? Que disait-il ce cinéma de l'après 68 et de l'avant-crise, pourrait-on dire? Bon, c'était un cinéma qui était généralement né de l'envie de changer les choses en 68. Alors il y avait de ce côté-là des tas de manières de faire, il y avait des tas d'attitudes politiques qui se donnaient toutes comme mortellement opposées, qui en fait étaient assez proches. Il y avait des groupes, il y avait des collectifs, Alors à Unicité, on était très fiers de dire qu'on n'était pas un groupe, qu'on n'était pas un collectif, qu'on était le bras audiovisuel d'une grande organisation politique, révolutionnaire, etc. Bon, c'est en gros, il y avait une envie de faire des films qui soient directement en prise sur ce qui se passait, sur les mouvements possibles. Il y a eu pas mal de films sur l'IP, par exemple. C'était la période 73, c'est l'année de l'IP. Il y a eu des films, 4 ou 5 groupes ont fait des films sur l'IP, 4 ou 5 réalisateurs ont fait des films sur l'IP. Il y avait une sensibilité à ce qui se passait dans le monde. Il se passait des choses pas seulement... 73 est une année très, très, très remonte. Hein. En 73, il y a les accords de Paris sur le Vietnam. Mais au début de l'année 73. Au début 73, mais la guerre continue. Il y a la Palestine, il y a la guerre du Kippour, il y a aux États-Unis la deuxième inauguration de Nixon. Le Portugal continue avec Caetano, mais on sait que ça ne va pas durer. Et puis il y a le Chili qui était quelque chose qu'on ressentait extrêmement fort. La tentative d'unité populaire au Chili, qui était quelque chose qu'on sentait comme nécessaire, comme un moment, comme un test, et qui a été brisé très, très violemment en septembre. Ça a été une des choses, disons, les deux moments forts de cette année. Ça a été le moment du Chili et il y a eu le moment du Vietnam. Dans ces années 70, Bernard Eisenschitz, quelle place donnait-on au cinéma pour faire du militantisme, changer le monde? Comment le voyez-vous, vous? Ah ben, on pensait que le cinéma était quelque chose d'essentiel, qu'il pouvait être un instrument de propagande, de militantisme sans précédent. C'est évidemment, on se faisait pas mal d'illusions, heureusement, sinon on n'aurait rien fait. Et il y avait, bon, on essayait de travailler à la fois sur ce qu'on voulait faire, ce qu'on voyait dans le monde. Il y a eu aussi des législatives en France en 73, au printemps 73, je pense. Et puis, encore une fois, là, le moment de ce qui se passait dans d'autres pays, qui était une espèce de reflet de quelque chose de possible, parce qu'on voyait bien qu'il y avait un glissement. La France, c'était Pompidou, c'était le moment où il y avait eu un espoir qui ne nous intéressait pas beaucoup, de nouvelles sociétés, qui était Chaban-Delmas, et qui avait glissé vers un gouvernement carrément réactionnaire, gaulliste réactionnaire de type Mesmer, et qui allait passer à un autre type de réaction qui était celle de Giscard d'Estaing. Une espèce de manière de voir la société comme quelque chose qui dépendait des élites, des banques. Il y avait une affiche au moment de la campagne de Giscard, j'anticipe un petit peu, en 1974, il y avait une affiche qui n'était pas une affiche de propagande pour Giscard, mais qui était un cadre de banque. C'était la première fois qu'on faisait de la publicité pour les banques. Et il y avait une affiche où on voyait un homme qui ressemblait un petit peu à Giscard, d'ailleurs, qui avait un petit peu des dents de vampire et qui disait « Je l'avoue, votre argent m'intéresse ». C'était assez nouveau à l'époque, c'était un changement. On était directement en lien avec la politique. Cette affiche de banque et la campagne de Giscard, je parle de 1974, nous paraissait directement lié, alors qu'avant on était encore dans une politique d'idéologie. On était même des gens, que ce soit Mesmer ou que ce soit Chaban-Delmas, on parlait du type de société qui nous intéressait, qu'il fallait soit conserver, soit renverser. Alors, lorsqu'on réfléchissait à ce moment-là, il y avait des divisions à l'intérieur de la gauche, et en particulier entre le Parti communiste d'un côté et les gauchistes, quels qu'ils soient, issus de la gauche prolétarienne, issus du trotskisme ou d'autres mouvements d'extrême gauche. Est-ce que vous avez souvenir de cela et de la façon, enfin de la forme que cela prenait en 1972-73, après la mort de Pierre Auvernet devant les usines Renault, etc., etc. Oh, la forme que ça prenait, c'est surtout qu'on s'ignorait à tort complètement. Le seul qui parlait à tout le monde, c'était Chris Marker. Voilà, c'était essentiellement ça, c'était qu'on ne voyait pas ce que faisaient les autres. À grand temps, on y perdait beaucoup, parce qu'on ne peut pas dire que les films produits par Unicité étaient très très bons en général. Ils étaient très directement liés à une propagande qui n'était pas nécessairement très très en avant. Or, il y avait des films qui se faisaient chez Iskra, il y a des films qui se faisaient chez les maoïstes, qui étaient intéressants, dont on aurait dû tenir compte, qui n'étaient pas probablement vus de leur point de vue. Aujourd'hui, ils pensent que cela était assez mauvais aussi. Et on a tous aujourd'hui un point de vue relativement de regret par rapport à ce qu'on aurait pu faire. Et c'est là-dessus, c'était la force de Marker qu'on voyait à l'époque dans un festival comme Leipzig, par exemple, qui était en RDA, qui était un festival où on faisait venir des gens, où venaient des gens de tous les pays, donc les pays dits socialistes à l'époque, qui montraient des films qui probablement ne passaient pas dans leur propre pays, des pays comme Cuba, des pays... Bon, donc il y avait le côté internationaliste de Leipzig qui était très intéressant, puis il y avait le côté écho de ce qui se passait dans le cinéma militant, qui pouvait être en Angleterre, en Amérique. En Amérique, j'avais des relations avec les Américains, je savais un peu mieux ce qui se passait. Ou en Afrique, par exemple. C'était des choses qui commençaient. Est-ce que cet intérêt pour ce qui se passe dans le monde entier, cet appétit même pour les affaires internationales, se transcrit dans la façon dont vous pratiquez, non pas la cinéphilie, mais enfin votre amour du cinéma dans ces années-là? Est-ce qu'il y a dans Paris, avec de nombreuses salles, des possibilités de voir des cinématographies qui ne sont pas simplement françaises et donc s'apercevoir ce que le monde dit par l'intermédiaire de son cinéma? Il y a une manière nouvelle de voir le cinéma qui tient à deux choses. D'une part, l'héritage de la nouvelle vague qui commence à se répandre dans d'autres pays. Il y a des réponses un peu partout dans le monde. Il y a des cinémas qui apparaissent un peu partout dans le monde et qui sont faits de la même manière, qui est sur le modèle de la nouvelle vague. Indépendance, possibilité d'utiliser des moyens plus légers, possibilité de parler plus directement à la première personne ou à la deuxième personne, disons, à la deuxième personne dans un sens politique. Bon, ça existe dans le monde entier et ça revient, ça reflue naturellement vers Paris. Et puis il y a autre chose, c'est qu'à partir de 68, en effet, il y a eu une utilisation beaucoup plus généralisée de moyens de production légère, caméra 16 synchrone, Nagra, Kudelka. Il y a eu des films moins chers, films soit militants, films indépendants, les débuts de Garel qui fait ses films sans argent au début, ou avec de l'argent prêté par XY. Et après, on voit, il y a d'autres manières de diffuser. Le 16 mm se répand dans les salles. On peut diffuser, et puis si on ne diffuse pas dans les salles, le 16 mm est facile à installer ailleurs, donc on peut diffuser autrement. Donc on arrive à faire, à montrer et à voir des films de toute autre manière, ce qui fait qu'à Paris, on peut arriver à voir pas mal de choses. C'est un endroit un peu où les gens convergent aussi, c'est un peu un pôle d'attraction pour pas mal de gens. Tout le monde passe par Paris, c'est un peu vain, un peu vaniteux de dire ça, un peu cuistre, mais c'est vrai quand même. Et ça a des échos sur le cinéma dominant, si on veut. Commercial, entre guillemets. Oui, commercial, on disait dominant à l'époque, commercial, disons industriel, j'appellerais industriel ouais. Aujourd'hui, mais si on regarde, et ça a des échos aussi sur le cinéma, sur les vitrines du cinéma, qui sont à cette époque-là des vitrines très très passionnantes. Alors si on regarde Cannes, vous avez fait des listes, moi aussi j'ai fait des listes, si on regarde ce qui s'est passé à Cannes cette année-là, évidemment, vous pensez tout de suite à La Maman et la Putain, vous pensez tout de suite à La Grande Bouffe, mais c'est un festival extraordinaire parce qu'il y a différentes sections. D'une part, la grande section, enfin le festival officiel donne, alors c'est assez cocasse parce que le festival officiel prime des films totalement oubliés aujourd'hui. L'un, un film de Jerry Schatzberg, L'Épouvantail. Jane Ackman. Avec Jane Ackman, oui, c'est ça. Et qui est un film complètement oublié. Aujourd'hui, à tort, c'est un film gentil. Mais enfin, c'est pas vraiment un film qui méritait la Palme d'Or. Mmh. Puis un film d'Alan Bridges qui s'appelle La Méprise, totalement oublié aujourd'hui. Et en même temps, il y a dans ce festival, bon, prix spécial du jury La Maman et la Putain, La Grande Bouffe, bien sûr. Mais alors, il y a un film chilien, Ya no basta con rezar, de Aldo Francia, Il ne suffit plus de prier. Il y a Le Charbonnier de Mohamed Bouamari, film algérien, des meilleurs films algériens, qui parle directement de politique. On entend un discours de Boumdiène dedans. Je vois, il y a La Clepsydre, film polonais de Wojciech Haas, qui était un cinéaste déjà connu. Lui, oui. C'est pas, ça, c'était un film qui passait dans le grand festival. Il y a Crier chuchotement de Bergman, bien sûr. Alors là, on est les grands cinéastes reconnus sont dans leur période, soit très très forte, comme Bergman, soit un peu plus testamentaire. On va y arriver. Il y a un film oublié, malheureusement, mais qui vient de ressortir, je crois, un film réalisé par Paul Newman, acteur connu mais réalisateur remarquable de 3-4 films, qui s'appelle « De l'influence des rayons gamma ». Sur le comportement des marguerites, voilà, c'est avec ça. Sa femme à l'époque. C'est ça, il a fait 3 ou 4 films avec sa femme et un sans elle. C'était un cinéaste tout à fait passionnant. Il y a un film de Theo Angelopoulos, un de ses premiers films et des plus politiques, qui s'appelle « Les jours de 36 », qui est sur un coup d'État, précisément en 36, en Grèce. Il y a La planète sauvage, film de René Laloux, bon, film d'animation. Il y a Toukibouki, film de Djibril Diop, le long métrage de Djibril Diop, tout à fait remarquable, qui a été restauré l'an dernier par la Fondation Scorsese, sous un autre nom, je crois, Le jour de la hyène. Il y a La quinzaine des réalisateurs avec Pierre-Henri Delos, qui fait un travail remarquable de défrichage, de reconnaissance de cinéastes du monde entier. Lui voyage. Il y a la semaine de la critique, je ne sais plus qui s'en occupe à l'époque, mais c'est très très bien. Bon. Alors, donc la situation est une situation de mouvement très très fort. Hein. Si vous parlez de. On a parlé évidemment du film de Ferry ou du film d'Eustache, mais il y a eu aussi en décembre, il y a eu la sortie du dernier Tango à Paris. Il y a Absolument. des tas de films indépendants français qui sont des films sur la libération des mœurs, etc. Bon, qui peuvent être. What a Flash de Barjol, qui a travaillé avec Eustache. Il y a L'An 01, film collectif, Absolument, de avec le GB, premier film de Doyon. qui est tiré de l'œuvre de GB, donc. Voilà, c'est ça. Il y a Thème Rock, le premier film de Claude Faraldo. Incroyable, où Michel Piccoli, qu'on trouve Voilà. déjà dans La Grande Bouffe, C'est joue un rôle ça. absolument Donc, on a, de. de ce côté-là, il y a quelque chose qui se passe entre le cinéma totalement indépendant, le 16 mm, les gens qui font des films sans argent de leur côté ou avec des moyens minuscules, et puis quelque chose qui se développe et qui va envahir ou qui va infiltrer le cinéma, disons, dominant. Ou... Je ne sais pas si c'est commercial, le cinéma devient commercial à partir du moment où il est diffusé commercialement. Pour ça, je préfère dire le cinéma industriel, parce que le cinéma devient industriel. Bon, La maman et la putain, c'est un film produit par cinq. Il y a cinq producteurs qui ont pignon sur rue, qui investissent dedans, que ça soit Yves Robert, que ça soit Barbet, Schroeder, les films du Losange, qui est plus logique, puisqu'il a travaillé avant avec Cottrel. Et ainsi de suite. Enfin, j'ai oublié qui sont les autres. Il doit y avoir le film du Carrosse. Je sais plus qui encore. Attendez, vous allez enfoncer mon tympan. Ça y est. Oh merde. Il va encore falloir que j'aille voir un gynécologue. Et que je lui dise avec une petite voix douce. Je sais pas ce qui est arrivé, j'ai perdu mon tympan. Ça m'emmerde, vous vous rendez pas compte? Il peut me sortir par les narines. Mais c'est de votre faute. Vous n'aviez qu'à l'enlever. On ne peut pas passer une nuit tranquille sans baiser. Je vous avais dit que je ne voulais pas baiser. Écoutez, je ne peux pas rester comme ça. Alors faites-moi un toucher, essayez d'enlever cet empalse. Mais je ne sais pas. Mais vous êtes con, fouillez, si vous sentez quelque chose, tirez. J'ai peur de vous faire mal. Mais non, ça ne fait pas mal, vous ne savez donc rien faire. Comment avez-vous dit? À toucher? Oh, arrêtez de rire. C'est pas marrant, je vous assure. Bon, ben. Je vais essayer. Ah. Je crois que je sens quelque chose. On va tirer. Ah, ça y est, là. Donnez-moi ça. J'appelle un ami. Je lui racontais ça. Je ne peux pas garder ça pour moi tout seul, c'est trop drôle. Mais enfin, vous n'allez pas raconter ça? Si, si, il faut que tout se sache. On se dit, quand on revoit ce film après bien des années, d'abord, cette liberté de ton incroyable de Jean Eustache et cette façon de parler de sexualité de façon très, très ouverte, très crue, très franche, des rôles qui sont très marqués, mais dans un climat qui nous rattache à quelque chose de connu d'une certaine façon, parce que tout se passe aux alentours du Flore. On a un personnage qui est Léo, qui nous rappelle les premiers films de Truffaut, et d'une certaine façon, on est en terrain connu tout en partant sur un terrain qui nous est totalement inconnu ou relativement inconnu dans le cinéma de l'époque. Est-ce que vous avez cette impression, Bernard Eisenschitz? Je sens surtout les relations personnelles qui permettaient. Bon, Eustache aurait de toute façon fait les films qu'il voulait faire. Il les aurait probablement fait dans des conditions plus difficiles que là. Donc là, il y avait un climat, il y avait un contexte qui s'y prêtait. Il avait un interlocuteur, il avait un producteur qui était un interlocuteur tous les moments, qui l'obligeait aussi à faire. Eustache aurait pu écrire, ne pas faire, ne pas trouver, faire à moitié, etc. Bon, il se trouvait qu'il y avait Cottrel qui l'obligeait à écrire un scénario, contrairement à ce qu'on a dit. C'est pas un film qui était improvisé chaque matin avec ce qu'il avait enregistré en mettant un magnétophone sous le lit. Ce que ça m'a été raconté par des gens qui ont suivi le film pourtant. Or, le scénario, je l'ai vu, il était là la veille du tournage, ou les premiers jours du tournage. C'est un scénario entièrement écrit. Et ce que disait Eustache, c'est la première bonne prise, c'est la première prise où les acteurs disent leur texte sans se tromper. Alors, quelque chose de nouveau sur la sexualité, oui, bien sûr. C'était fort. Quelque chose de nouveau, sans doute, sur l'intimité aussi, mais ça demanderait une définition de Stache sur la manière dont il travaillait, la manière dont il était un enfant de la cinéphilie, de la nouvelle vague, bien sûr, et aussi quelqu'un qui était totalement irréductible à une école, à autre chose, qui était assez, à la fois totalement jamais seul, à aucun moment ne pouvant rester seul, ni le soir, ni la nuit, ni dans la journée, et en même temps totalement solitaire, totalement individuel. Bon, on ne pouvait pas penser qu'il fasse autre chose que ces films-là. Maintenant, pourquoi le film a pu se faire, pourquoi le film a pu arriver à Cannes, avoir le prix qu'il a eu à Cannes, être connu et marqué plus que, disons, un film qui se tournait dans un système industriel avec de gros moyens, et heureusement, et qui était tout aussi personnel, mais sans doute moins individuel, comme le dernier Tango à Paris. Bon, voilà, c'est ça la question. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait à la fois ces choses qui étaient là, qui étaient l'industrie, disons, le Ferreri, qui était un cinéaste de l'industrie, un cinéaste qui avait travaillé avec Ponti, qui s'était engueulé avec Ponti. Carlo Ponti, donc le grand Carlo Ponti, qui lui avait mutilé un film, qui avait réduit son film, ensuite qu'il avait ressorti en lui faisant retourner des scènes de L'Homme aux 5 ballons, Break Up. Et puis, ou des gens comme Bertolucci, qui était déjà dans l'envie de faire des productions internationales, des grosses productions, et qui avait l'envie de tourner avec Brando et de faire quelque chose en même temps, qui était une découverte totale. Tu te souviens de ce type qu'on voyait souvent à Montparnasse? Le sosie de Belmondo, qu'on appelait le faux Belmondo. Au début, l'effort qu'il faisait pour ressembler au vrai était un peu ridicule. Mais avec une insistance maintenue en plusieurs années, il est arrivé à une telle perfection dans la ressemblance qu'il est devenu plus vrai que le vrai. Quand on le veut vraiment, on peut réussir à prendre la personnalité de quelqu'un, à lui voler son âme. Maintenant, c'est Belmondo qui est devenu la caricature de son double. Pas sa caricature, son ombre. Quand on a fait le film sur William Wilson, c'est avec eux qu'on aurait dû le faire. Dis-moi, que sont devenus ces gens que l'on voyait il y a quelques années ? Je ne bouge pas, je suis toujours là, je reste. Il n'y a plus personne, ils ont tous disparu. Ces filles de tous les jours, de toutes les nuits. Toi, Michel, Françoise. En disparaissant, vous avez emporté un petit peu de ma vie. Michel s'est suicidé. Est-ce que c'est un film cinéphilique aussi, La maman et la putain, Bernard Eisenschitz ? C'est un film cinéphilique parce que Stache est quelqu'un qui vit dans la culture du cinéma, dans la connaissance du cinéma, connaissance alors totalement boulimique, dans sa jeunesse et puis dans sa jeunesse en province et puis totalement boulimique à Paris où en effet bon les cinéphiles sont là, ils voient 3 films par jour, voient tous les films qui sortent, les discutent, les assimilent et Eustache s'est fait une formation, pas une culture mais une formation, une envie de faire du cinéma à partir essentiellement de Renoir, à partir de quelque chose qui chez Renoir un des versants de Renoir, puisque Renoir a des versants infinis, qui est le versant d'une sexualité très forte, même si cette sexualité n'est pas ouverte, n'est pas explicite autant que chez Eustache. Les films de Renoir sont entièrement des films sur la sexualité et des films sur la violence de la sexualité. Il y a La Chienne. C'est un film sur le meurtre sexuel. C'est le film qui compte pour lui, qui détermine tout. Donc cette idée de la mort attachée à la sexualité qui est forte hein, dans la maman et la putain. L'aspect révolution, c'est un aspect d'un climat qui existe autour de lui, auquel il est très sensible sur l'aspect de voilà des fumées, du café où tout le monde pleure le matin à cause des lacrymogènes. Des choses comme ça, il y est sensible, mais en même temps, ça ne l'intéresse pas tellement, ou plutôt, ce qui l'intéressait, c'était de réagir contre ça, parce que c'était la parole dominante, et précisément de vouloir être celui qui conservait ce qui devait être conservé, au lieu de bouleverser ce qui existait. Enfin, écoutez, rien n'est changé. Je vous aime, je reste avec vous, je vis avec vous. Et vous irez baiser avec lui de temps en temps? Écoutez, je n'ai pas baisé avec lui. Ah oui, je sais, c'est ce que vous m'avez dit. Mais maintenant, je suppose que vous n'allez pas passer votre temps à vous regarder dans le blanc des yeux. Je n'ai pas envie de baiser avec lui. C'est une envie qui peut venir très vite. Quand la femme qu'on aime baise avec un ami ou quelqu'un qu'on aime bien, c'est un peu dur. Mais on arrive à comprendre. Mais quand elle baise, ou se branche à la tête, comme vous dites, avec quelqu'un qui est tout ce qu'on déteste, elle vous met sur le même plan que lui, comme si on était pareil. Enfin, écoutez, vous ne le connaissez pas. Vous faites de lui une idée complètement fausse. De toute façon, tout ce que je peux dire là-dedans, vous ferez ce que vous avez à faire. Moi, ce soir, je suis occupé. Vous sortez avec l'infirmière? Oui, avec l'infirmière. Et vous allez manger avec elle? Manger ou boire un verre, je ne sais pas. Vous arrivez à trouver du fric pour amener une fille au restaurant, mais quand il s'agit de m'y amener moi, vous n'y arrivez plus. Mais faites-vous inviter par votre nouveau Jules? Je n'ai pas de nouveau Jules. Par votre prochain Jules, alors? Vous dites vraiment des conneries de temps en temps. Oh, ben, y avait un côté moraliste aussi chez Eustache. Il y avait cette idée quand même d'établir un certain nombre de règles et d'être fidèle à ces règles, qui ne veut pas dire ce qui n'exclut pas une sexualité forte et libre. Par ailleurs, bon, il y a quand même la libération sexuelle, c'est avant. La libération sexuelle, ben, c'est la pilule. Mm. Il y a tout de même, et ça, c'est les années 60. Ça tient aussi, il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là où tout converge. Vous savez, j'ai envie de rebaiser avec vous. Pourquoi ne pas le dire? Les nanas ne le disent pas d'habitude. Je vous aime et j'ai envie de rebaiser avec vous. Vous pouvez emmener des types dans votre chambre? Non, mais toutes les filles le font. On peut aller chez vous? Mais pas aujourd'hui. Vous ne viendrez pas dans ma chambre. Vous respectez les règlements? J'ai amené un maximum de types chez moi. Pourquoi croyez-vous que j'ai demandé un grand lit quand je me suis installée? Mais je ne veux pas que l'homme que j'aime voie l'endroit sordide dans lequel je vis. Eh bien, c'est un privilège que je suis heureux d'avoir. Mais vous savez, d'habitude, je m'arrange pour que les femmes que je connais aient un appartement, puisque j'en ai pas. Je ne couche qu'avec des femmes qui ont un appartement. Et moi, je baise avec un maximum d'arabes et de juifs. Ah, c'est autre chose. Vous faites dans le genre métèque? Oui, j'adore les métèques. J'adore baiser avec des métèques. Et ça me fait plaisir aussi. Je suis désolée, mais ça me fait plaisir, toujours. Ben, ne soyez pas désolée. Et qu'est-ce que vous faites avec moi, alors? Ça, j'en sais rien. Les conneries, sans doute. Pourquoi les femmes n'auraient-elles pas le droit de dire qu'elles ont envie de baiser avec un type? Celles qui ne le disent pas sont des connes, non? Je ne sais pas. On se dit... Oui, sans doute. Quelle liberté a-t-on quand on pense à ce qu'est la France que vous nous décriviez tout à l'heure? Oui. La France pompidolienne, la France de Pierre Messmer, et on est quand même assez éloigné de la France de Pierre Messmer. C'était assez tranché, oui. Dans ce dialogue, je suis pas sûr qu'on l'aurait entendu dans des films porno. Oui, peut-être, sûrement pas d'ailleurs. Je pense que non. Sûrement pas. Alors bien sûr, bon, mais ça c'est le film, c'est le travail avec les gens qui donnent les mots du film, qui peuvent être les gens que Eustache fréquentait, qui peuvent être les lectures. Enfin bon, ce sont des paroles qui ne sont pas nécessairement celle de stage. Bon, il y a une espèce de schizophrénie chez les cinéastes à l'époque qui leur permet d'être à la fois eux-mêmes, mais de transformer cette intimité en quelque chose qui est du cinéma. C'est quelque chose qu'on voit chez un cinéaste qui est très très central à l'époque. Il n'y a pas de film de lui dans cette année-là, mais c'est Rivette. Si Rivette a fait L'amour fou et est en train de faire à l'époque, je ne sais plus s'il l'a fini, à ce moment-là, Out 1, ce sont les films qui donnent un sentiment de liberté aux cinéastes qui sont au-delà de la Nouvelle Vague. Disons, Eustache, dont on pourrait dire qu'il est un petit peu post-Nouvelle Vague. Les films de Rivette, bon, il y a la longueur, il y a le travail avec la parole improvisée et dictée, il y a le détachement du deuxième regard, qui est le montage. Il ne faut pas oublier que Eustache, par exemple, était un monteur, a été le monteur de Rivette aussi. Donc je pense que les films de Rivette, avec leur longueur extrême, avec leur, avec ce jeu constant entre l'improvisation, la règle et l'exception, ont été très très importants. Peut-être qu'à l'époque, ils ont été plus importants que les films que faisait Godard avec le groupe avec Jean-Henri Roger, et puis ensuite avec le groupe Ziga-Mirtov. Tu es en voiture ? Oui, oui. Tu pourras m'accompagner aux Invalides ou à Orly ? Ah oui, oui, aucun problème. À quelle heure ? Dans trois quarts d'heure. Tu as vu ? L'ivrogne est là. Il y a Sartre dans un coin. Il picole un maximum. Regardez sa table. Vous vous trompez, il n'y a qu'une demi-bouteille devant lui. Oui, il est très malin. Il commande toujours par demi-bouteille pour donner le change. Mais qu'est-ce qu'il en commande ? Il sort toujours en titubant, en s'appuyant au mur, vous verrez. À mon avis, toutes ces prises de position, maoïsme, cause du peuple, ne sont que propos d'ivrogne. L'autre jour, j'avais envie de lui dire, vous n'avez pas honte de boire comme ça, avec votre prix Nobel ? Je crois qu'il ne faut plus du tout prendre au sérieux tout ce qu'il dit. Il n'y a pas longtemps, il est allé parler aux ouvriers de Biancourt. Il était juché sur un tonneau. Il fait toujours suivre son tonneau. Il n'y a pas de hasard. Il est maoïste parce que l'Orient est rouge. Comme le vin. Donc là, on voit bien la façon d'égratigner la figure tutélaire de la gauche. Ça faisait partie du dandisme de... Du dandysme de stage, qui était alors ça une des choses que moi je partageais pas, c'est pas donc c'était bien. Nous on partageait essentiellement la cinéphilie, c'était de ça qu'on parlait. Donc il y avait des choses, ça limitait peut-être un petit peu la conversation, alors que ces vraies conversations, c'était plutôt avec des gens comme Jean-Jacques Schoul ou peut-être avec Pierre Cottrel, choses comme ça. Moi j'étais beaucoup moins proche de lui. J'étais ami des gens qui étaient sur le tournage. Alors, est-ce que vous vous souvenez de la réception de ce film ? On va parler ensuite de La Grande Bouffe, par exemple. La réception de ce film dans cette année 1973, d'abord sa présentation à Cannes, les polémiques qui accompagnent sa sortie à Cannes. Qu'est-ce que vous avez comme souvenir de la sortie de La Maman Léa Putain, donc Bernard Eisenschitz ? Oh ben c'est normal, là, il y avait deux camps, mais c'était assez clair. Hein. On savait qu'il y avait d'un côté des gens qui attendaient ça, pour qui c'était le film, qu'il fallait... faire, bon, disons, quelqu'un comme Christian Bourgois a pesé pour que le film soit sélectionné, c'était parce qu'il faisait partie de cette... il était de ce bord-là. Et puis, il y avait ceux qui étaient extrêmement choqués. Et normal, bon, il était tout à fait normal que ça les choque, parce qu'ils étaient, d'un autre côté. Donc, il y a eu des critiques très, très violentes, aussi bien du côté du Figaro que du côté... vieille tradition laïque du ciné-club, qui ne comprenait pas. Enfin bon, le ciné-club, la vieille tradition laïque, à l'époque, attendait davantage des films plutôt rassurants, qui étaient un petit peu des films critiques sur la société de l'époque. Leur film idéal, c'était César et Rosalie, c'était les films de Sautet, qui était quelqu'un de très bien. Il n'y a rien à dire contre Sautet, personnellement, sinon que c'était des films dans leur manière de critiquer la société, n'allaient pas très très loin et certainement n'étaient pas des films qui changeaient quelque chose au cinéma. Mais une tradition laïque qui avait des représentants, par exemple, à la commission de censure, et qui avait fait alliance de façon très régulière avec, par exemple, des ligues catholiques pour pouvoir interdire certains films. Bien sûr. Bon, et pour dire plus, disons, ces réactions, elles étaient un peu inscrites. Elles étaient un peu inscrites dans la chose. Alors, il y a eu une réaction violente de la part de Stache et Cottrel qui ont viré un critique lors du film suivant de Stache. Cottrel et Stache ont viré un critique qui était venu à une des projections de presse et qui avait écrit que Stache allait chercher son inspiration dans les chiottes. Donc ça a eu des répercussions puisque Stache a tourné une sale histoire, puisqu'on lui disait qu'il allait chercher son inspiration dans les chiottes. Il a fait un film qui parlait du voyeurisme dans les fiottes, une sale histoire. Et puis, il y a dans le premier film de Pierre Zucca, il y a une scène inspirée de cet épisode où on voit deux personnages sortir un critique d'une salle de cinéma et le mettre Manu Militari à la porte. Bon, voilà. De la vertu de la critique, voilà. Elle permet de faire des films au bout c'est du compte. C'est revenu, voilà. Il neige. Il y a du vent. Une tempête de neige. L'odeur de la merde. Il ne nous quittera jamais. Vous n'avez pas sommeil, vous. Michel, après tout le travail qu'on a fait. Et mais avec cette odeur, on ne peut pas dormir. Mais allez, on dort, si. Le déluge universel. De la merde. Alors, si on s'attache maintenant avec vous, Bernard Eisenschiss, à un film plus grand public, peut-être plus industriel, celui de Marco Ferreri, La Grande Bouffe, il fait presque plus de bruit lorsqu'il sort à Cannes que d'autres films, et en particulier que La Maman et la Putain, parce qu'il fait scandale, on y parle de scatologie, on y parle de société de consommation, en tout cas on veut voir la société de consommation critiquée dans ce film-là. Il y a là des très grandes vedettes internationales qui sont représentées dans ce film-là. Qu'est-ce qu'il dit ce film exactement de 1973 qui voit quatre personnes mourir en mangeant dans une propriété dans laquelle ils ont fait venir la moitié des Halles de Paris? Ferreri a toujours été quelqu'un qui refusait d'être classé, qui a refusé de s'installer dans une case politique ou idéologique donnée, et qui était un obsessionnel des choses, des tabous qui étaient peut-être beaucoup plus violents que le sexe. Disons, le sexe, comme je disais, la sexualité, quelque chose s'était passé tout au long de ces années qui devait aboutir à des films comme Le Dernier Tango, comme La Maman et la Putain, et d'autres encore, mais enfin, disons, ces deux-là étant quand même les plus remarquables. Mais Ferreri parlait des choses qui font se boucher le nez. S'il parle de la merde, s'il parle de la bouffe, ce sont des choses dont on n'était pas prévenu pour ça. Il y a des gens de gauche qui n'osaient plus parler à Piccoli après ça. Ah oui. Des gens qui étaient extrêmement gênés quand ils voient la mort de Piccoli dans ce film. C'est un moment gênant. Bon, mais c'était ça. Ferreri, il ne se laissait pas classer. Il évitait complètement les remarques générales. D'ailleurs, comme tous ceux dont nous parlons, comme tous les cinéastes dont nous parlons en ce moment, mais il évitait complètement, il n'arrivait pas, il n'était pas du côté, il y a d'un côté les jeunes, disons Christian Bourgois, Bory, défendent un cinéma de rupture avec enthousiasme, et de l'autre, Le Figaro, les commissions, etc. Là, Ferreri, il gêne tout le monde, et en même temps, il est plus fort que tout le monde, puisqu'il donne envie aux gens de travailler avec lui, puisque les films marchent, il continue de travailler dans l'industrie, il n'envisage absolument pas de travailler hors de l'industrie, ce qu'il a fait à ses débuts. Il savait parfaitement, il avait fait des expériences de contractualité dans les années 50, qui étaient des choses, il avait produit des contractualités dans les années 50, qui étaient totalement des expériences comparables à ce qu'on faisait dans l'après-68. Donc il connaissait, il avait déjà fait. Lui, c'était lui aussi un grand moraliste, mais certainement pas un moraliste qui allait donner des leçons. Moi, je trouvais que ta tête, tu dois le faire. Attends. Merde. Tu dois le faire. Ce n'est pas de ma faute. C'est pas de ta faute, c'est pas de ta faute. Vous n'avez rien compris. On ne peut pas mourir en mangeant. Je m'en vais. Vous avez fait partie de ceux qui ont été choqués, Bernard Eisenschiss. Ah, moi j'ai toujours été choqué par les films de Ferreri. Bon, parfois au point de ne pas pouvoir les revoir pendant longtemps, parfois avec au point d'avoir envie de les revoir et de les montrer. Mais c'était, j'en étais un petit peu plus loin à l'époque, mais c'était bon. Je savais qu'il y avait quelque chose qui bougeait là dans le cinéma italien, qui pouvait pas être, qui n'aurait pas pu venir d'ailleurs que de l'Italie, et qui en même temps allait bien au-delà de ce que faisaient tous les autres cinéastes italiens. Tu sais, ça manquait pas de bons cinéastes en Italie à l'époque, en ordre dispersé. Je suis trop grosse. Mais non, Andrea. Oh, oui. Grosse. Mais non, oh. Ma petite Kai, tu es belle. Oh. Tu es pas grosse. Oh. Tu es douce. Tu es gracieuse. Tu es légère. Et puis tu fais bien la cuisine. C'est pas vrai, Hugo? Oui. Elle est aussi sensuelle. Mais vous êtes trop imbécile. C'est ça les mots. qui convient. Seulement toi, comme vous pouvez penser à mon livre de manger, parce que vous êtes décastré. Marcello, je t'en supplie, décastré, oui. Ça. Décastré. Enfin, non. S'il y a un castré ici, c'est toi, tu viens de le prouver. Non, c'est vous de quoi? Je pensais à l'étranger. Viens me garder la mort. C'est pas le moment. Laissez-vous. Alors, arrêtez, c'est pas le moment. Arrêtez. T'as compris? Il fait des histoires, il fait des jalouses, il fait cet imbécile. Il n'y a aucune fantaisie dans cette histoire. Vous avez choisi la forme la plus grossière de mourir. Va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va. C'est une inondation. Alors, il y a Francis Blanche fait les dialogues de ce film. C'est ça, française. C'est oui, totalement oui. Incroyable. Mais surtout, Reiser fait l'affiche. Oui, oui. Et c'est vrai qu'on se dit, il y a quelque chose de cet esprit de Harakiri, de Charlie Hebdo, de ces années-là qui est présent. 01. On parlait de l'an 01. De GB, donc. De GB, qui devient un film de Doyon avec des séquences de Rouche et de René. Donc, quelque chose qui est où les deux, ou des générations... se rencontrent, des générations qui sont d'ailleurs toujours bien entendues, il n'y a jamais eu de problème de génération entre les deux. Vous nous disiez tout à l'heure, il y a La maman et la putain, on en a longuement parlé, il y a La grande bouffe et il y a un autre film. Et puis il y a le film de Nicolas Rey, We Can't Go Home Again, qui est ce film qu'il a improvisé pendant 2 ans avec ses étudiants et dans le plus grand désordre. Alors là, on est dans le désordre de l'improvisation, dans le désordre de la... Ça s'appelle la contre-culture aujourd'hui, ça ne s'appelait absolument pas comme ça à l'époque. Des gens qui vivent une autre vie aux États-Unis, parce qu'il y a l'université, il y a la possibilité de mouvements différents, de mouvements marginaux. On va dans les conventions républicaines et démocrates, où on voit des gens comme Allen Ginsberg. Donc ces conventions, on attend qu'elles deviennent autre chose que des chambres d'enregistrement du candidat présidentiel. Des choses peuvent changer là. Elles ne changent pas, mais elles pourraient changer. On a des espoirs pour des candidats qui seront battus, mais qui mènent quand même une campagne assez vigoureuse. Et Ray fait un film qui est totalement là-dedans, totalement un film d'identification avec cette génération de jeunes, qu'il n'arrive pas à terminer, mais qu'il termine quand même parce qu'il est obligé. Il vient à Paris en mars, il montre le film à ses amis à la Cinémathèque, il montre quelque chose, je ne sais pas quoi, j'y étais à la Cinémathèque, donc ça je m'en souviens, mais il montre le film à Cannes, et à Cannes, on lui dit d'accord, une projection, le film est loin d'être terminé puisqu'il est fait sur écran multiple. Et Cannes lui dit d'accord, on attend. Et le film est montré, arrive dans un état absolument épouvantable, mais quand même la partie image montée, arrive à Cannes et passe un des derniers jours et impressionne beaucoup les quelques personnes qui le voient. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y a quelqu'un, un critique de jazz qui fait la une du Monde. Et autrement, bon, ceux qui le voient, bon, le film a mis très longtemps, 50 ans plus tard, il réapparaît, 40 ans plus tard, il réapparaît, il a été restauré il y a un an, 2 ans, et je pense que c'est un des films, justement, c'est un des films baromètres, si on parle du film de stage comme un film baromètre de la France, c'est un film baromètre de l'Amérique, avec toujours cette identification très très violente, volontaire de Ray, avec la jeunesse, qui avait été le cas avec La Fureur de Vivre, James Dean, etc., dans un film beaucoup plus policé, beaucoup plus sage, à mon avis, et beaucoup moins intéressant, je pense, peut-être plus réussi, mais moins intéressant. Et ce film, bon, donc, il passe inaperçu, mais il n'empêche que il va, disons, c'est quelque chose de souterrain. De même qu'à la même époque, Godard, qui est quand même un petit peu oublié, commence numéro 2, qui va aussi être un marqueur de quelque chose, aussi un film souterrain, qui est lui aussi très cru sur la sexualité, lui aussi travaillant sur les possibilités d'exploser l'écran, comme le fait Nicolas Rey. Donc il se passe des tas de choses dans cette année 73. J'en ai que ça soit... Alors, bon, que je dirais qu'il y a... Alors, il y a de l'expérimentation, il y a le porno, comme on a dit à l'époque, il y a un renouveau réel du cinéma commercial. Par exemple, il y a le cinéma d'horreur, on n'en a pas parlé, mais c'est important à l'époque. Il y a des films d'horreur qui reprennent toute cette tradition un petit peu un petit peu vieillotte du film d'horreur, des Hammer films, des Dracula, etc. Bon, il y a des gens qui renouvellent ça. Alors que ça soit, bon, Dunwich Horror, par exemple, des scénarios de Richard Matheson, qui n'écrit plus vraiment, qui n'est plus le grand écrivain de science-fiction qui était dans les années 50, mais qui est un très bon écrivain de scénario. Il y a des films un peu limites, comme un film d'un inconnu qui s'appelle Gary Sherman, qui s'appelle Death Line, qui est un film tourné dans le métro londonien. Donc tout à coup, là, le quotidien devient l'horreur. Il y a les films de Jésus Franco en Espagne, qui est un type qui n'arrête pas de tourner, qui tourne 9 mauvais films pour un bon film. Mais il n'empêche, il reprend tout. À la limite tout de l'érotique, du gore. Il fait tout, il ramasse tout, il ramasse tout. Il y a les films produits ou financés par Andy Warhol de Paul Morisset. Alors il y a du sang pour Dracula, il y a Flèche, il y a les films porno qui sortent cette année-là, Flèche, Heat, etc. Donc tout ça, se passant à côté des films testamentaires des autres générations, des films comme Fat City de John Huston, ah oui, un des derniers grands films de Huston, qui est aussi un film de 73. Cette année-là, c'est marrant parce qu'il y a Ludwig de Visconti, qui est en quelque sorte un film testamentaire, son grand film sur la culture allemande. Et puis, il y a le Ludwig de Zyberberg, qui montre aussi un jeune cinéma qui est en train de monter. Donc il y a les deux Ludwig qui s'opposent. Bon, on n'a même pas parlé de Fassbinder, qui, oui, comme chaque année, est très très actif. Bon, et puis il y a des films qui sont du cinéma militant, mais qui en sortent pour faire autre chose, qui sont, bon, Kashima Paradise, par exemple, de Yann Lemasson et Benny Desworth. Donc Yann Lemasson, grand opérateur, réalisateur de documentaires, de films militants. Et il y a le Septembre chilien de Bruno Muel. Donc, Bruno Muel était au Robichet en septembre, au moment du coup d'État. On est tous là à pleurer, à rager, à brandir le poing, à signer des trucs, à essayer de manifester. Contre Pinochet. Que faire? Oui, bon, c'est vraiment un choc très très violent. Bon, et Bruno Muel et Théo Robichet partent là-bas et font un film où on voit ce qu'ils ne voient pas. Quelques personnes qui parlent, et puis ce qu'on voit, ce qu'on ne peut pas voir, ce qui est déjà énorme dans les rues. Un film très très passionnant qui reste aujourd'hui un film très fort. Il y a eu ensuite, bon, les films des documentaristes Reinowski-Scheumann, que des films donc tournés par des documentaristes de RDA que nous avons sortis donc à Unicité, qui étaient des films très très importants aussi sur la conscience qu'ils éveillaient. Mais celui-là, c'est le film immédiat. Alors, tout de même, on a commencé cette conversation, je suis parti d'un postulat en venant vous voir, Bernard Eisenschitz, postulat selon lequel il y avait une liberté de ton dans ce cinéma de 1973 qu'on ne retrouvera peut-être plus tard. Alors, c'est un postulat qu'on peut battre en brèche. Qu'est-ce que vous en dites après coup, au fil de cette conversation? Est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose de particulier dans cette année 73 ou dans ces années 72, 73, 74, qui évidemment rentrera progressivement dans la norme qui sera celle qu'on décrira dans les autres émissions de cette série, de la crise et de l'après-crise, de la limite qui sera offerte aux possibilités de développement économique, en particulier à partir du moment où le chômage de masse s'installera dans notre pays, Bernard Eisenschitz. Y a-t-il un reflux ensuite? Oui, bien sûr, il y a eu la mort de Pasolini, c'est quand? La mort de Pasolini, la mort de Fassbinder, qui sont un petit peu des symboles de ce qui s'arrête là. Il y a évidemment, bon, le reflux de... Je parle du cinéma. Il y a le reflux, l'envie de faire des films dans l'industrie qui prend peut-être le dessus. Alors on pourrait dire peut-être que d'une certaine manière, l'échec voulu par la critique, donc qui a boycotté le film suivant de Stache, Mes petites amoureuses, est aussi une certaine marque. C'est-à-dire la critique cesse de faire son travail parce qu'ils sont ils boudent Stache. Ils sont... Donc le film qui est un film fait avec des moyens cette fois-ci, qui est une tentative de conquérir l'industrie, de faire un film avec des moyens industriels, mais qui est un film qui a le discours, un discours tout aussi personnel, autobiographique, ça veut rien dire, mais enfin, discours à la première personne que la maman et la putain, sans les transgressions explicites qu'il y a dans La Maman et la Putain. Et ce film-là marque un coup d'arrêt, parce que le film ne marche pas à cause, en partie, à cause du boycott de la critique, mais pas seulement, évidemment. Il n'aurait pas marché de toute façon, je pense. Eustache ne fait plus de films. Eustache ne fait plus de longs métrages, en tout cas. Il ne fait plus de longs métrages qui sortent en salle. Bon, Ferreri, lui, continue, mais parce qu'il peut, personne ne peut l'empêcher d'une certaine manière. Ça, c'est une espèce de miracle du cinéma italien qui, lui, est constamment en crise. L'Italie est constamment en crise. C'est pour ça on ne pense pas la crise arrive. On pense arrive une nouvelle forme d'un capitalisme qui est un capitalisme plus ouvertement financier, beaucoup plus cynique par rapport à l'idéologie qui est représentée par Giscard. Qui provoque, lui, effectivement, un certain désespoir. L'année 74, avec ce que représente Giscard, ce que dit Giscard, sa manière de dire, on nomme Premier ministre le meilleur économiste du pays, donc il n'est plus question de fidélité à des idéaux, il est question de on fait les affaires. Et de normes. Et de normes, on normalise, on fait les affaires, c'est la révolution de juillet, quoi, c'est Louis-Philippe. Alors que les autres étaient, ce qui précédait Louis-Philippe, c'était carrément la réaction, c'était la restauration réactionnaire, ce qui était un petit peu, bon, on peut se dire, Pompidou, c'était ça, la haine de la résistance, l'admiration de la littérature française du 19e siècle, l'anthologie de la littérature, bon, la bonne école. Et puis l'autre qui arrive en disant, non, très bien, allez-y, nous allons trouver de l'argent en taxant les pornos, et en même temps, ce qui compte, c'est la banque. Enrichissez-vous. Bon, évidemment, avec c'était ça qu'on percevait chez Giscard, avec un certain désespoir, avec une certaine injustice aussi, puisque ça a été un des derniers moments où il a représenté une certaine indépendance de la politique étrangère de la France. Bon, mais peu importe, c'était ça. Et puis l'envie, sans doute, de beaucoup de gens, bon, en dehors de ceux qui ont désespéré, disons, que ça soit Eustache, que ça soit Pasolini, que ça soit Fassbinder, ceux qui avaient envie d'être dans l'industrie, et pour le meilleur aussi. Pas du tout, pas nécessairement pour le pire, même si on pouvait le croire. Voilà. Merci d'avoir accepté de vous livrer à cet exercice, parce que c'était un exercice, Bernard Eisenschiss, de réfléchir à cette année particulière, oui, du cinéma qui était 1973 pour vous, donc à la fois en tant que témoin, puisque je rappelle, vous avez travaillé dans certains de ces films avec certains de ces metteurs en scène, mais également en tant que cinéphile et historien du cinéma. Merci encore. Merci. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Vonne Abolivier et Aurélie Marcé. Patrick Muller était à la technique, en prise de son, et Renaud Dalmar à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur notre site www.franceculture.fr. Vous pouvez l'écouter pendant 3 ans après sa diffusion, la télécharger pendant 1 an après, laisser vos commentaires sur nos pages et évidemment également sur le groupe Facebook de la Fabrique de l'Histoire. Demain, nous continuons cette année 1973. Nous irons du côté du Havre pour le documentaire.